Nadab et Abihu s'avancent avec un feu qui n'était pas toi. Ils offrent devant ta présence ce que tu n'avais pas demandé là. Un feu sort du lieu de ta gloire, un feu qui juge, un feu qui sait, et soudain le silence.